Les Turcs l'ont appelé l'État profond. Et l'expression dit bien ce qu'elle veut dire. Pendant des années, il a existé en Turquie, dissimulé derrière les acteurs visibles de la vie publique, une structure secrète qui détenait la réalité du pouvoir et qui se trouvait dans les mains des militaires. L'armée turque, M. X le rappelait la semaine passée, a en effet toujours joué un rôle éminent depuis l'accession au pouvoir du père de la Turquie moderne, Atatürk. L'armée, qui, à la suite de l'un des nombreux putschs qu'elle a perpétrés, s'est même arrogé le droit constitutionnel d'intervenir dans la vie publique du pays, dès lors qu'elle estimait que les principes républicains étaient menacés. Cette toute-puissance des militaires a été récemment battue en brèche par l'irruption dans l'arène politique des islamistes du Parti de la Justice, mené par le Premier ministre Recep Tayyip Erdogan. Un véritable bouleversement qui a permis, non sans difficulté, de mettre en lumière la réalité de ce mystérieux état profond, mais aussi l'existence d'une vaste conjuration visant à restaurer le pouvoir des militaires, le complot Ergenekon. Ergenekon étant le nom d'une vallée asiatique légendaire d'où les premiers Turcs seraient sortis, guidés par une louve au pelage gris-bleu, afin de conquérir le monde. Le complot Ergenekon se réfère donc au mythe fondateur. Il n'en a pas moins une véritable existence, celle d'une pieuvre où l'on retrouve pêle-mêle des généraux, les services secrets, la section turque de Gladio, l'organisation terroriste des loups gris et les principaux parrains de la mafia locale. Dans un instant, M. X essaie d'y voir un peu plus clair. Çöker karlı beyaz murada Sanır gitti gelmez güzel sıladan Bilmez bir can bekler onu burada hey. Sanır gitti gelmez güzel sıladan Lorsque nous nous sommes quittés la semaine dernière, je vous parlais du troisième putsch de l'armée turque, celui de 1980. Oui, un putsch qui avait pour objectif de mettre fin au désordre des années 70. Un désordre sciemment organisé par ceux-là même qui allaient prendre le pouvoir. Oui, c'est-à-dire les généraux. Oui, il s'agissait, en créant de toutes pièces une stratégie de tension à l'italienne, de permettre à l'armée de se saisir des rênes du gouvernement. Et de rétablir un ordre musclé. Naturellement. Oui. Je vous l'ai dit, les généraux ont fait très fort. Ils ont placé en garde à vue des centaines de milliers de personnes, emprisonné plusieurs dizaines de milliers de citoyens et exécuté et torturé des centaines de militants de gauche. Ils en ont profité pour asseoir leur autorité en renforçant les pouvoirs du Conseil national de sécurité, où ils régnaient en maître absolu. En même temps, ils ont mis au pas leurs alliés d'hier, les fameux loups gris, qui leur servaient souvent d'homme de main en les mobilisant dans la lutte contre le séparatisme kurde. Alors, maintenant, voyons la suite. Attends, un mot quand même avant de poursuivre. Vous m'avez aussi dit que le pouvoir des militaires était directement issu des structures du Gladio turc. Le Gladio, une émanation clandestine de l'OTAN destinée à prévenir une invasion soviétique ou une éventuelle prise du pouvoir par les communistes. Ouais, oui, il faut rappeler que des Gladios ont été créés dans la plupart des pays signataires du traité de l'OTAN. C'est exact. En France aussi, où son existence a été révélée très tardivement, en 1990, je crois. C'est exact. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que ces structures secrètes, qui ont beaucoup recruté dans les milieux européens de l'extrême droite, ont souvent été à l'origine de nombreux actes criminels, attentats ou assassinats. Visant justement à perpétrer là, cette stratégie de la tension. Bon alors, inutile d'y revenir. Il faut simplement préciser que ces gladios étaient pilotés par la CIA et que Washington, en particulier en Turquie, a toujours joué un rôle occulte dans les divers coups d'État qui ont émaillé la vie politique du pays. Dernier point que vous avez souligné à la fin de notre précédent entretien, l'exploitation paradoxale du sentiment religieux par l'armée. Et vous avez raison de parler de paradoxe, car les généraux héritiers du kémaliste, du père fondateur, ont toujours prôné un laïcisme radical. Ils ont même pris prétexte de la défense de la laïcité pour intervenir à plusieurs reprises dans la vie politique de la Turquie. Or, à la suite de leur putsch de 1980, certains d'entre eux estiment qu'un zeste de religion ne pourrait que renforcer l'unité du pays et encourager le nationalisme de leurs concitoyens. Oui, c'est à cette occasion qu'ils ont par exemple rétabli l'enseignement religieux obligatoire dans les écoles. Et ce faisant, ils se sont conduits en apprentis sorciers. Car ça permettra aux islamistes de redresser la tête après des décennies de kémalisme rigoureux. Enfin, n'allons pas trop vite. Mais c'est pour ça que je vous fais confiance. Bon, et poursuivons. Après avoir exercé pendant 3 ans le pouvoir de façon impitoyable, les généraux amorcent une démocratisation en douceur. Ils rendent le pouvoir aux civils ? Apparemment, oui. Mais pour eux, c'est sans danger. Car en réalité, ils continuent de tirer les ficelles grâce à ce Conseil national de sécurité qui leur permet de garder les véritables rênes du pouvoir. Toutefois, c'est vrai, les civils et les partis politiques reviennent au premier plan. De gauche ou de droite ? Non, surtout de droite. Ils gouvernent tant bien que mal, malgré de nombreux obstacles. Lesquels ? Il y a d'abord la question kurde. L'armée et ses mercenaires, les loups gris, doivent mener une véritable guerre contre les séparatistes qui multiplient les attentats. Et ça entraîne de nombreuses exactions en retour. Oui, et même de vrais massacres dans les villages kurdes. Les militaires sont souvent incapables de juguler la férocité des loups gris, qui deviennent parfois incontrôlables. Autre difficulté pour les gouvernements qui se succèdent à Ankara, la montée de l'islamisme politique. Oui, les généraux, d'après ce que vous avez dit, ont ouvert la boîte de Pandore. Oui, et en 1996, le parti islamiste, le REFA, remporte les élections et son chef, Erbakan, accède naturellement au poste de Premier ministre. Mais est-ce acceptable pour les généraux ? Bah, bien sûr que non. Et puis vous allez le voir, ils ne vont pas tarder à réagir. Mais auparavant, il me faut évoquer un curieux fait divers qui va jeter une lumière crue sur l'autre cancer qui ronge le pays. La corruption et la collusion entre les milieux mafieux et les structures de l'État. Pourtant, au départ, il ne s'agit que d'un banal accident de la route. Je vous écoute alors. Le 3 novembre 1996, à Susurluk, une localité d'Anatolie, une grosse Mercedes blindée s'encastre dans un poids lourd. Jusque-là, rien d'étonnant. Les routes sont réputées pour être très dangereuses en Turquie. C'est juste. 3 des occupants de l'auto sont tués. Un 4e est grièvement blessé. Mais c'est l'identité des passagers qui est intéressante. Leur identité, mais aussi tout ce que contient cette voiture. Bah, je continue à vous écouter, là. L'un des morts est le directeur adjoint de la police d'Istanbul. Président de l'Académie de la police, cet homme a créé ses unités spéciales chargées de lutter contre les Kurdes du PKK. Ouais, des unités aux méthodes très musquées qui recrutaient beaucoup chez les loups gris. Hein. Mais aussi à l'extrême droite et chez les gangsters. En fait, c'était de véritables escadrons de la mort, très proches de la pègre. Et justement, le 2e passager, un certain Abdullah Chatli, est un mafieux recherché par Interpol et en principe par la police turque. Un mafieux donc qui voyage en compagnie d'un policier. Ce parrain de la mafia a un passé très chargé. Chatli, tout en ayant collaboré autrefois avec les forces de l'ordre dans la lutte contre les terroristes du mouvement communiste d'Evsol, et ceux de l'organisation arménienne Hasala s'est livré au trafic de stupéfiants et a commis plusieurs assassinats. Ça lui a valu d'être emprisonné en Suisse. Mais alors qu'il était enfermé dans une prison de haute sécurité, il a réussi à s'évader, sans doute grâce à la complicité de membres des services secrets turcs. Mmh. Et il a pu regagner son pays ? Clandestinement, oui. Mais on reparlera de lui, car ce gangster était aussi un membre éminent des Loups Gris. Toutefois, continuons. Parmi les passagers tués, il y a aussi la maîtresse de Châtelet, une ancienne miss. Mais c'est surtout la personnalité du quatrième qui est étonnante. Cet homme, Seda Boutchak, grièvement blessé, mais seul survivant de l'accident, est en effet un homme politique de premier plan. Un député appartenant à la formation au pouvoir jusqu'en juin 1996. Le parti du premier ministre d'alors, Madame Tansu Çiller, le parti de la juste voie. Mm-hmm. Parti conservateur. Oui, hein. J'ajoute que ce député d'origine kurde est une sorte de seigneur féodal. Chef d'une puissante tribu anatolienne, il dirige une milice de plusieurs centaines d'hommes qu'il met au service de l'armée dans ses opérations contre les indépendantistes kurdes du PKK. Alors, contre ses propres frères kurdes, donc En effet, cette milice lui permet aussi de contrôler tous les trafics dans cette région reculée. Oui, mais quelle sorte de trafic, là ? Bon, la drogue, la contrebande, les êtres humains. Par conséquent, ce député est lié à la mafia. Incontestablement. Et que trouve-t-on dans la voiture accidentée, hein ? Des armes, de la drogue et plusieurs vrais faux papiers. Châtelet disposait, par exemple, de 6 cartes d'identité établies à des noms différents. Il possédait aussi un passeport officiel et un permis de port d'armes. Deux documents signés par Mehmet Agar, le ministre de l'Intérieur du gouvernement de Tansu Çiller, un homme qui a été aussi directeur de la police nationale. Alors, ce Châtelet, ce gangster, disposait donc de puissantes protections. Des protections qui se prolongent après sa mort, si je puis dire. Les obsèques de ce gangster sont suivies par une foule impressionnante. Et l'ex-premier ministre, Madame Çiller, n'hésite pas à déclarer que c'était un héros. Alors que c'était d'abord un membre de la pègre. Ouais, quoi qu'il en soit, l'affaire de l'accident de Susurluk fait quand même scandale. Oui, parce qu'elle met en évidence la collusion entre la police, la mafia et les politiciens. Évidemment. Et la presse se déchaîne. Elle exige la vérité et une véritable enquête sur ces rapports troubles. Des rapports qu'on soupçonnait depuis longtemps, mais qui demeuraient jusqu'alors discrets. Résultat ? Oh, pas grand-chose. Certes, le ministre de l'Intérieur, Agar, doit démissionner, mais le pouvoir se débrouille pour étouffer peu à peu le scandale. Et au cours du procès qui suivra, seuls seront condamnés à de légères peines de prison deux officiers appartenant aux services secrets et aux forces spéciales. Quant aux deux autres principaux personnages mis en cause, le député Sedat Boudjak et Mehmet Agar, il passe à travers les mailles du filet. Boudjak sera même réélu député avant d'être balayé par la vague islamiste de 2002. En tout cas, cette affaire aura quand même jeté un sacré coup de projecteur sur la corruption du monde politique turc. Sur un système qui a réussi au fil du temps à gangréner la plupart des organes dirigeants en associant étroitement nationalisme et mafia. Rendez-vous avec X. L'accident de Susurluk est aussi révélateur de la violence qui règne alors en Turquie. En témoigne cet extrait d'un ouvrage collectif paru chez Fayard sous la direction de Semih Vaner. Plusieurs rapports officiels datant de la seconde moitié des années 1990 montrèrent que les bandes en uniforme ne servaient pas uniquement d'escadrons de la mort au service des organes de sécurité, mais qu'elles étaient aussi devenues des acteurs décisifs au sein de l'espace politique, se partageant la rente sécuritaire engendrée par la répression de la guérilla du PKK, ainsi que celle de plusieurs dizaines de milliards de dollars provenant du trafic de stupéfiants. Les anciens militants de la droite radicale étaient les principaux protagonistes des bandes. La guerre civile que se livraient ces bandes au sommet de l'État s'était soldé par l'enlèvement, la torture, voire l'exécution de plusieurs dizaines de membres de services de renseignement rivaux. L'immunité dont les bandes jouissaient permettait également à d'autres acteurs de la violence, comme les militants des Hizbullah, une organisation islamiste responsable de plusieurs centaines d'exécutions extrajudiciaires, de trouver des protecteurs officiels au sommet de l'État ou au niveau des préfets. Dans le même temps, on observait l'émergence du même phénomène au sein du PKK, kurde donc, dont certains commandants militaires s'étaient transformés en seigneurs de guerre, exerçant une violence de plus en plus privatisée. Assez curieusement, après le scandale de Susurluk, les islamistes au pouvoir ne veulent pas ou n'osent pas porter le fer dans la plaie. Pour quelle raison ? Parce qu'ils se rendent compte qu'une véritable enquête risque de fragiliser l'ensemble du système politique. Ils ont peur. Oui, c'est surtout la mise en cause de l'armée qui les fait reculer. En réalité, ils ont conscience que s'ils vont trop loin, c'est leur fragile coalition gouvernementale qui volera en éclats. Et prudemment, ils imposent le secret d'État sur les enquêtes ouvertes à la suite du scandale. Une pusillanimité que n'auront pas leurs successeurs islamistes des années 2000. Hein. C'est parfaitement exact. Et ça débouchera sur l'affaire Ergen Ekon. Mais en 1996, ils ne se sentent pas assez forts pour jouer cette carte. Et ce faisant, ils abdiquent devant la toute-puissance de l'armée. Hein. Et ils signent ainsi leur prochaine défaite. Car les généraux brûlent de l'envie de se débarrasser de ces islamistes qui sont leurs adversaires naturels. Et ça ne tarde guère. En février 1997, l'armée perpètre son quatrième putsch. Le gouvernement Erbakan est contraint à la démission et les dirigeants du parti islamiste sont bannis de la vie politique. Ça, c'est non fort quand même. Hein. Les militaires sont donc à nouveau au pouvoir. Mais comme ils l'ont déjà fait souvent par le passé, ils se dissimulent sous un gouvernement civil, une coalition hétéroclite qui va de l'extrême droite au centre libéral. Mais un gouvernement plutôt conservateur, donc. Hein. Et farouchement anti-islamiste. Et le scandale Susurluk est passé par pertes et profits ? Même si, pour faire illusion, le nouveau gouvernement lance une opération main propre. L'ancien ministre de l'Intérieur, Mehmet Agar, est par exemple mis en accusation devant la Cour de sûreté de l'État. Il lui reprochait d'avoir protégé des personnes recherchées et d'avoir créé une organisation armée à des fins délictueuses. Oui, les escadrons de la mort. Hein. Toutefois, pardonnez-moi l'expression, c'est du pipeau. Alors que Agar risque une vingtaine d'années de prison, son inculpation est soudainement abandonnée. Et un an plus tard, à l'occasion du mariage de sa fille, Agar convie le gratin de la société turque. Et il ne sera plus inquiété. Mieux, il retrouvera un peu plus tard un siège au Parlement. En même temps, d'ailleurs, que son complice Sedat Boudjak, le seul rescapé de l'accident du Susurluk. Cette opération main propre a donc été un fiasco. Ah non, pas tout à fait. Deux soufis ont écopé de quelques années de prison. Non, vraiment, tout ça, ça sent la mascarade. Plus que jamais, les principaux dignitaires de l'armée et de cet état profond dont je vous parlais bénéficiaient d'une impunité totale. Et en 1999, ils ont même pu se prévaloir d'un succès spectaculaire. L'arrestation du principal leader kurde, le légendaire Öcalan. Le chef du PKK. Hein. Ouais, Öcalan, qui depuis cette date est toujours détenu dans une île isolée. Cependant, cette incontestable victoire contre le PKK ne suffit pas à sauver la coalition gouvernementale qui doit faire face à une importante crise économique et démontre son incompétence à l'occasion du terrible tremblement de terre de 1999. Oui, il y a eu plusieurs milliers de morts. Une vingtaine de milliers, oui. Et il faut le noter, si le gouvernement n'a guère brillé en cette affaire, l'armée non plus n'a pas fait preuve d'une grande efficacité dans l'organisation des secours. Ajoutez à cela l'impopularité grandissante du Premier ministre Ecevit. Et vous comprendrez que la Turquie est sur le point de connaître un nouveau séisme. Mais un séisme politique. Oui, ça se produirait en 2002. Au mois de novembre, le Parti de la Justice et du Développement remporte les élections législatives. Et c'est un parti islamiste. L'AKP, son acronyme en turc, se réclame en effet de l'islam. Mais attention, ses dirigeants, et parmi eux le Premier ministre actuel, Recep Erdogan, prennent soin de se démarquer de l'intégrisme musulman. Oui, ils s'affirment modérés. Car ils savent bien que l'armée ne tolérerait pas une rupture avec le kémalisme laïque en vigueur depuis les années 30. En fait, si Erdogan et les siens ont gagné, c'est qu'ils ont joué habilement de la lassitude d'une population irritée par la corruption latente, d'élites criminalisées et la mainmise permanente de l'armée sur le pouvoir. Ajoutez à cela une bonne dose de populisme et de nationalisme Et vous avez la clé du succès de l'AKP. On peut donc parler à cette occasion de votre sanction. Tout à fait. Mais à votre avis, là, ces islamistes de l'AKP sont-ils vraiment des modérés ou avancent-ils masqués ? Difficile à dire, car à chaque fois qu'ils le pourront, ils essaieront d'enfoncer un coin dans la doctrine laïque qui régit la Turquie. Sur le port du voile, par exemple, ou encore sur la criminalisation de l'adultère. Et c'est vrai qu'ils voudraient aboutir et créer un régime en accord avec les préceptes du Coran. Mais en même temps, ils sont très prudents et savent reculer lorsque l'armée menace. Puis à l'Europe aussi. Hein. Vous avez parfaitement raison. Erdogan est un farouche partisan de l'entrée de son pays dans l'Union européenne. Il doit donc donner des gages à Bruxelles et ne pas s'engager dans un islamisme qui ferait peur. C'est délicat. Hein. Et très ambigu. Mais il faut bien dire que l'Union européenne est plutôt bienveillante avec Erdogan, tout en le pressant d'accomplir un certain nombre de réformes qui rendraient la Turquie eurocompatible. Beaucoup de leaders européens considèrent que l'AKP est une sorte d'équivalent musulman des démocraties chrétiennes à l'occidental. Et puis de façon très pragmatique, ces mêmes dirigeants estiment que le pouvoir islamiste est préférable à tout ce qui a précédé en Turquie. C'est-à-dire le pouvoir des militaires. Et toutes les dérives qu'il a entraînées, oui. Un dernier mot, avant justement de voir plus précisément ces dérives telles que l'affaire Ergenekon les a récemment révélées. En 2007, vous le savez, le parti d'Erdogan a conforté ses positions en frôlant la majorité absolue lors des nouvelles élections. Seul bémol, et il est d'importance, hein, un parti nationaliste d'extrême droite, émanation directe des sinistres lougris, a remporté plus de 14% des voix et compte désormais 70 sièges au Parlement. La menace existe donc toujours. Et elle est d'autant plus réelle que les derniers épisodes de l'affaire Ergenekon ont montré que l'infestation était encore plus importante qu'on ne le supposait. À quelle date commence-t-on à parler du complot Ergenekon et de l'existence de ce réseau criminel ? Ça commence au milieu des années 2000. Donc pas si longtemps, hein ? En novembre 2005, très exactement, une librairie kurde est attaquée à la grenade dans une localité du sud-est de la Turquie, Semdinli. Une personne est tuée et plusieurs autres sont blessés. Et malheureusement, c'est un événement assez banal en pays kurde où les escadrons de la mort sévissent toujours et combattent à leur façon les indépendantistes. Mais j'y reviendrai. Mais c'est la suite qui est beaucoup moins banale. Que se passe-t-il alors ? Le libraire, qui est sain et sauf, court derrière le terroriste, accompagné par plusieurs passants. Il parvient à le rattraper au moment où il s'engouffre dans un véhicule qui porte une immatriculation officielle et où l'attendent deux complices. Et les trois types, là, sont capturés ? Exactement. Et c'est un véritable coup de théâtre, car ces trois assassins sont d'authentiques membres des forces de l'ordre. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Monsieur X va revenir sur la guerre contre les indépendantistes kurdes qui est l'une des clés du complot Ergenekon. Une guerre de basse intensité, comme disent les stratèges. Quelques précisions auparavant. Je les ai trouvées dans l'ouvrage de Daniel Ganzer, « Les armées secrètes de l'OTAN ». Dans son livre, publié quelques années après les fêtes, le major Jem Hersever, un ancien commandant d'unité paramilitaire engagé dans la lutte contre le PKK, décrivit sans embâche comment la contre-guérilla et d'autres unités paramilitaires avaient employé des méthodes clandestines et terroristes contre le PKK. Hersever expliquait aussi comment ces unités terroristes s'étaient enrichies en levant des impôts privés le long de l'autoroute de l'héroïne, l'itinéraire emprunté pour passer la drogue d'Afghanistan en Occident via la Turquie. Parmi d'autres missions effectuées par la contre-guérilla, Hersever évoquait notamment les opérations sous fausse bannière au cours desquelles les agents Stebian, c'est-à-dire Gladio, déguisés en combattants du PKK, attaquaient des villages, violaient, exécutaient les civils au hasard. Si le déguisement était suffisamment crédible, ce genre d'action affaiblissait dans la région le soutien populaire au PKK et permettait de retourner les partisans contre leur mouvement. Le major confirmait que de nombreux anciens loups gris et d'autres militants d'extrême droite avaient été recrutés directement en prison pour rejoindre les escadrons de la mort Stay Behind, lesquels comptaient également dans leur rang des déserteurs du PKK et des islamistes. Les assassins de Samdin Lee appartenaient aux forces de l'ordre, avez-vous dit ? Oui, on s'aperçoit rapidement que tous trois appartiennent à une unité spéciale de la gendarmerie, le JITEM. Ce qui veut dire l'organisation de renseignement et de lutte contre la terreur. Une entité semi-clandestine. Encore une. En effet. L'État profond, pour reprendre l'expression utilisée par les Turcs, fourmillait de sociétés secrètes, paramilitaires, toutes issues de l'armée ou des forces de l'ordre. Mais c'est incontestablement le JITEM qui était l'une des plus importantes et les plus redoutablement efficaces. Songez qu'on va lui attribuer la responsabilité de la disparition de centaines de villageois kurdes raflés à leur domicile. On aura la preuve en mars 2009, lorsqu'on récupérera les restes de certains de ces disparus dans des puits où ils avaient été précipités. Oui, donc de véritables exécutions. Hein. Des exécutions extrajudiciaires, comme on dira pudiquement. Ouais. À la suite de cette attaque de la librairie de Samdin Lee, il y a donc eu une enquête. Bah forcément, d'autant que dans la voiture des trois gendarmes du JITEM, on a trouvé de nombreux documents compromettants, dont une liste de militants kurdes à exécuter. Ah oui. Et malgré les efforts des généraux, qui feront tout pour étouffer l'affaire, les trois gendarmes seront jugés et condamnés. Pourtant, au cours du procès, le numéro 2 de l'armée viendra témoigner en personne en faveur de l'un des inculpés. Un très brave garçon, selon ses dires. Un gentil assassin, en somme. Ouais. Mais l'ancien chef du JITEM, le général à la retraite, Veli Küçük, déjà compromis dans l'affaire du Susurluk, ne pourra pas échapper à ses responsabilités. Et on s'apercevra à l'occasion que c'était l'un des dirigeants du complot Ergenekon. Entre-temps, un colonel du JITEM préférera mettre fin à ses jours. Et ses obsèques seront suivies par tous les dignitaires de l'armée. C'est donc cette affaire de la librairie de Samdin Lee qui permet à la justice d'ouvrir les hostilités contre les conjurés d'Ergenekon. Oui, et ensuite les événements vont se précipiter. Trois mois plus tard, nouveau crime. Un journaliste d'origine arménienne, Rant Dink, est assassiné. Et ne fait nul doute qu'il paye ainsi ses prises de position en faveur de la reconnaissance par la Turquie du génocide arménien. Or, et ce n'est pas une coïncidence, ce journaliste avait personnellement reçu des menaces de la part de ce général Veli Küçük. Oui, c'est le fondateur de ce groupement clandestin de gendarmes. Le JITEM, oui. Et c'est dans la droite ligne du combat des militaires. Nationaliste et donc anti-kurde et anti-arménien. Puis au mois de mai 2006, on assiste à une étrange manipulation. Un avocat, censé être proche des islamistes, est accusé d'avoir assassiné un juge. Aussitôt, la presse proche des kémalistes accuse le parti au pouvoir d'avoir commandité le meurtre. Ce sont les islamistes qui sont au pouvoir, il faut le rappeler. Et dès cet épisode, on sent que s'ouvre une guerre sans merci entre les chefs de l'armée et les islamistes au pouvoir. Ouais, et ça dure jusqu'à aujourd'hui. Hein. Oui, la Turquie est loin d'en être sortie, mais poursuivons la chronologie. Mm-hmm. En 2007, de nouveaux assassinats qui semblent porter la signature des islamistes sont perpétrés. Les victimes sont des protestants et un prêtre catholique. À peu près en même temps, la police paraît décidée à accélérer ses enquêtes. Elle découvre d'abord, dans un bidonville d'Istanbul, une trentaine de bombes artisanales. Puis d'autres caches d'armes sont mises au jour. Des fusils, des caisses de munitions sont abandonnées dans des lieux publics. Vous avez une explication, là ? On a l'impression que les conjurés cherchent par tous les moyens à se débarrasser de leur arsenal. Et la conséquence, alors ? La police multiplie les arrestations et, chose inouïe en Turquie, pour la première fois, des officiers supérieurs de premier plan sont mis sous les verrous. Par exemple, ce général Küçük, ancien chef de la gendarmerie et du JITEM, ou encore l'ex-commandant de la première armée et même le patron du tout-puissant Conseil national de sécurité. Mais les militaires ne sont pas les seuls à être frappés. Des hommes politiques, des avocats, des journalistes sont arrêtés. Toute la crème du kémalisme. Et donc, les dirigeants de cet état profond qui règne depuis si longtemps sur la Turquie. Et les preuves s'accumulent contre ces hommes qui sont les principaux acteurs de la conjuration Ergenekon. Au cours des perquisitions, la police découvre ainsi des documents accablants, des listes de personnalités assassinées ou des plans détaillés établis pour réaliser ces objectifs criminels. Étaient visés le Premier ministre Erdogan, le prix Nobel de littérature, Orhan Pamuk, et d'une façon générale tous ceux qui risquaient de s'opposer à un coup d'État militaire ou réclamaient la vérité sur le génocide des Arméniens. Ce qui est étonnant, c'est que les militaires laissent faire. C'est vrai, mais l'armée n'est plus aussi monolithique que par le passé. D'éminents généraux ont même choisi le camp de la légalité et se sont débrouillés pour faire échec aux tentatives putschistes de leurs frères d'armes. Et là encore, c'est une nouveauté en Turquie. Exactement. Et pourtant, plus le temps passe et plus on découvre l'importance du complot Ergenekon. Dans l'ordinateur de l'un des conjurés, on trouve par exemple des documents très explicites sur le complot qui avait pour objectif final l'exécution d'un putsch prévu en 2009. Le gouvernement turc devait donc agir en toute urgence pour juguler cette tentative. D'autant que les enquêtes successives n'en finissent pas de tirer des ficelles qui démontrent l'étendue de la conjuration et l'interpénétration entre le monde politique et militaire et la pègre. Il est ainsi prouvé que les acteurs d'Ergenekon sont à l'origine de la plupart des crimes qui ont ensanglanté la Turquie. Assassinats, attentats, provocations diverses, toutes ces exactions portent la marque d'Ergenekon. Pourtant, dans une certaine mesure, ces dirigeants criminels étaient aussi des patriotes. On ne peut pas nier que les motivations originelles de certains d'entre eux étaient la lutte contre la mainmise de l'islamisme sur leur pays. Mais pour réaliser cet objectif, ils n'ont pas hésité à user les pires méthodes. Et se sont ainsi salis les mains en s'alliant aux mafieux qui rackettaient, faisaient le commerce de la drogue ou se livraient au trafic d'êtres humains. Dérive inquiétante. Mais le verre était dans le fruit depuis longtemps. Dans cette mesure, les lougris ont été des précurseurs, car les premiers, ils ont recruté dans la pègre. Enfin et surtout, il y a la question des moyens utilisés. Les pires qui soient. C'est malheureusement la vérité. Mais les généraux étaient persuadés d'agir pour le bien de leur pays. Sur ce point, les écoutes téléphoniques réalisées par la police sont particulièrement éloquentes. Dans leurs conversations, ces dignitaires ne font pas mystère de leur mépris pour un peuple oublieux, prêt à écouter les fables les plus obscurantistes. Donc les fables islamistes. C'est en effet clair. Et ces généraux étaient donc décidés à tout faire pour sauver l'héritage kémaliste. Il me paraît presque certain qu'il y a parmi eux des gens qui n'ont pas renoncé. Malgré les arrestations, malgré les procès qui ne cessent de se multiplier, malgré les révélations d'une presse qui a fait un travail d'investigation particulièrement efficace, songez qu'on en est désormais à la 12e vague d'arrestations et déjà plus de 200 personnes ont été inculpées. Ce qui montre l'étendue du complot. Certes, mais il est impossible de couper toutes les tentacules de la pieuvre en une seule fois, d'autant que la justice, elle aussi, résiste. Et puis on a encore la preuve que des structures mises en place par Ergenekon sont toujours actives. Ces redoutables gardiens de village, par exemple. Expliquez-moi ça. Il s'agit souvent de militants kurdes retournés qui, armés et salariés par les autorités, sont chargés de faire régner l'ordre en pays kurde. Et quel ordre ? Quoi ? La violence ? La violence, oui. Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, au cours d'une noce, une cinquantaine de villageois ont été massacrés. On a alors prétendu qu'il s'agissait d'un crime d'honneur. Mais c'est faux. En réalité, ce sont ces redoutables gardiens de village qui sont passés à l'action et se sont servis de leurs armes pour régler un conflit d'ordre privé. Et à ma connaissance, cette structure qui rassemble des dizaines de milliers d'hommes armés est toujours en place. Parce que les islamistes au pouvoir ne sont pas moins anti-kurdes que les kémalistes. Même si le gouvernement essaie d'infléchir sa politique dans la question kurde. Enfin, il faut observer que la lutte entre les laïcs et les religieux continue en Turquie. Un seul exemple. Lorsque le gouvernement Erdogan a annoncé son intention d'autoriser le voile à l'université, les kémalistes ont réagi en essayant de faire interdire l'AKP par la Cour constitutionnelle. Mais l'AKP étant, il faut le rappeler, le parti au pouvoir. Hein. Donc vous voyez, la partie est loin d'être terminée. Mais est-ce qu'on ne peut pas soupçonner Erdogan et les siens de mener une véritable chasse aux sorcières contre les laïcs à l'occasion de cette affaire à Ganekon ? Oh, la tentation doit certainement exister, surtout chez ceux qui rêvent de faire de la Turquie un véritable État islamique. Mais d'un autre côté, on ne peut pas nier que les conjurés d'Ergenekon, et plus généralement tous ceux qui ont œuvré à la mise en place de l'État profond, ont commis de multiples crimes. L'ouverture des fosses communes où gisent leurs victimes le confirme semaine après semaine. Alors, dernière question, hein. Qui était le chef d'Ergenekon ? Officiellement, on ne sait pas. Mais on a évoqué le nom de ce général de gendarmerie qui a créé le JITEM. Mais le candidat le plus probable est le général Kıvrıkoğlu, qui a été le numéro un de l'armée pendant une quinzaine d'années. Toutefois, il m'étonnerait que ce haut personnage ait un jour à rendre des comptes. L'un des mystères de cette affaire Ergenekon reste la relative passivité de l'armée qui n'a pas réellement entravé les enquêtes dirigées contre ses généraux les plus prestigieux, et cela même après la réduction des pouvoirs des tribunaux militaires en juillet dernier. Aussi ai-je emprunté la conclusion de cet entretien à un excellent article d'Ursula Gauthier publié dans le Nouvel Observateur daté du 7 mai 2009. Une rupture générationnelle est intervenue au sein de l'état-major au début des années 2000. Aux kémalistes purs et durs, qui n'hésitaient pas à prendre le pouvoir de force jusque dans les années 90, ont succédé trois chefs d'état-major formés dans les structures de l'OTAN à l'étranger et appartenant à une tendance plus légaliste. Le premier d'entre eux, Hilmi Özkök, s'est opposé à plusieurs reprises au projet de putsch. Sans l'accord de l'actuel chef, le général İlker Başbuğ, la police n'aurait pas pu pénétrer dans les enclaves militaires pour mettre les menottes à de hauts gradés. Autorisera-t-il l'arrestation du numéro 1 d'Ergenekon ? Les vrais caïds ne seront probablement pas jugés, estime le militant des droits de l'homme, Ertuğrul Kürçü. Mais ce scandale les aura tellement couverts de merde qu'ils perdront toute autorité. Une chute morale qui mettra fin, tous les démocrates l'espèrent, à un siècle plein de fureur et de sang. Un optimisme que, vous l'avez noté, ne partage pas tout à fait Monsieur X. À la liste des livres que je vous ai donnés la semaine dernière, j'ajoute l'imbroglio turc de François Dopfer aux éditions Ligne de repère. Vous retrouverez comme d'habitude les références de ces livres sur franceinter.com, un site qui vous permet aussi de nous écrire. À samedi prochain, merci à Michel Billou, Valérie Ayestara et Rebecca de Nantes, Monsieur Djoub. Et tout de suite, après le flash, on se balade. C'est au de mon amour de Denis Chessou.